franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Je suis tout émoustillée d'en connaître un peu plus sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie est une commune française située sur la côte de Lumière, dans les départements de la Vendée et la région Pays de la Loire. Eh bien, le 23 janvier 1967, Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie fusionnent pour former la nouvelle commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Après 2 siècles de discussions, hein, comme quoi, ça devait vraiment être très important. Oh là oui, qu'en pensez-vous, Françoise? Ça, on en a parlé de ce changement, hein, comme si c'était une affaire d'État. Ouais. Et à part ça, vous appelez pourquoi? Ben, vous êtes pressée? Oh non, non, mais des auditeurs écoutent, on a 7 minutes, ce serait gentil et courtois hein, d'exposer rapidement et succinctement votre cas, afin que nous le résoudions avec Philippe. Voilà. Docteur. Bonjour Françoise. Bonjour docteur. Philippe. Alors? Eh bien, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Depuis quand? 9 mois. Oula, alors madame, Françoise, on reste calme. Monsieur va chercher une bassine d'eau chaude et des linges propres. Non. Françoise, restez calme. Restez calme, tout va bien se passer. On fait le petit chien. Allez, sur le dos, les papates en l'air et on pousse, je pousse et je respire. Non, je suis Françoise, pas du tout. Attention, on fait la bougie, allez. Et je pousse, allez. Alors, c'est quoi? Ben, c'est rien, je suis pas du tout en train d'accoucher. Ben oui, mais madame, il faut pousser aussi. En fait, le bébé n'est pas tout à fait descendu. Non, j'appelais pour savoir votre avis sur la péridurale. Parce que il paraît qu'on a plus de risques de déchirure. Enfin, vous savez, ils savent ce qu'ils font à l'hôpital. Ils vont pas vous faire accoucher sans vous enlever votre petite culotte. Alors, si vous avez si peur que ça d'une déchirure, ben vous n'aurez qu'à porter une culotte fendue. Non, mais... La déchirure, c'est par rapport à la peau de la vulve. Ah, oh, oh là là. Bon, écoutez, madame, quand même... Oui, d'accord, la déchirure dans ce sens-là, d'accord. Oui, mais ça, c'est pas prouvé, ça. Ben si. Oui, mais il y a 2 écoles. Ben non. Mais si, il y a l'école de médecine que j'ai faite, puisque je suis moi-même médecin, et l'école de la vie. Oui, si vous voulez. Et en plus, j'ai un très gros bébé. Oh, ben ça, alors comment vous pouvez le savoir? Il n'est pas encore né. J'ai fait des échographies. Oui, mais là encore, il y a 2 écoles. Bon, de toute façon, nous sommes contre la péridurale, hein, madame. Alors, si vous ne ressentez pas de douleur au moment de l'accouchement, on ne pourra plus parler de délivrance. Donner la vie, ça se mérite. Et c'est par le prix qu'on paye que nous connaissons la valeur de ça, cette chose qui est donner la vie. Eh oui, un enfant qui n'est pas venu au monde en causant la souffrance de sa mère se sent obligé de la faire souffrir par la suite, à l'adolescence par exemple, en se droguant. J'allais le dire, et c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Je ne pense pas qu'il faille souffrir si on a les moyens d'éviter la souffrance. Qu'il faille... Comment ? Non, rien. Écoutez, si vous ne vouliez pas accoucher, il fallait pas tomber enceinte, madame. Quant à l'échographie, nous sommes contre. Ah bon ? Bah pourquoi ? C'est contraire à nos convictions, madame. Ah bon? Avec quelles convictions? Ah, je ne peux pas vous répondre. Mais pourquoi? C'est contraire à nos principes, madame. Et quels principes? Nous ne pouvons pas vous en parler à l'antenne, Françoise. Mais pourquoi? C'est une question d'éthique, madame. J'ai quand même peur de souffrir énormément alors qu'on a ce qu'il faut, donc je me pose des questions. Alors moi, pour ne pas avoir mal, enfin en tout cas pour pas crier... J'avais la ceinture en cuir de Philippe que je mordais de toutes mes forces. Je l'ai récupérée dans un état, disons. Mais ce qui m'a fait le plus mal, Vous allez rire. Non, mais... Eh ben, c'est pas le bébé qui sortait, c'était la paraboute. Timberland Caterpillar. Oui, la paraboute à Philippe qui avait pris appui sur mes fesses. Bah oui, mais attends, pour avoir plus de force pour tirer le bébé aussi. Il y a un moment où la force physique est nécessaire. Et comme il n'y avait qu'une seule petite jambe toute gluante qui sortait, il a bien fallu que je me reprenne à deux fois. J'ai cru qu'elle allait me rester dans la main, la petite papate. Et puis alors, pour la petite histoire, le bébé avait encore la tête à l'intérieur. Que Dietfried sautait déjà sur le lit pour lui manger le cordon. Oh, la crise de rire. C'était vraiment la famille des glingos. On était jeunes, on était... Bon, voilà, quoi. Alors finalement, bon, le bébé sort, le chien qui continue à tirer sur le cordon alors qu'il était enroulé autour du cou du bébé qui devenait tout bleu, du coup. Bah, Françoise, vous voyez, j'aurais été sous péridurale, j'aurais été complètement dans les vapes et j'aurais pas un souvenir aussi vivace de ces moments merveilleux. Vous avez accouché chez vous ? Bah oui, madame, il ne serait pas venu à l'idée de faire rentrer un chien dans un hôpital. Bah c'est très dangereux. Bah oui, mais tout est dangereux à ce compte-là dans la vie. Hein. Quand vous traversez la rue, vous risquez aussi de mourir. Et c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Je vous remercie d'avoir été à mon écoute. Coûte que coûte. Oui, et je vais donc accoucher à l'hôpital sous péridurale comme la première fois. D'accord, donc vous n'avez rien écouté en fait. Ah si. Donc vous n'avez rien compris. Oh si. Allez, au revoir. Eh ben voilà, elle a raccroché sans même dire au revoir. Hector Talvar a dit « Quand les hommes accoucheront, les femmes penseront ». Ah, pas faux. Pour une fois qu'un homme prend la défense des femmes. Hein, dis donc, Léo. Ouais. Merci Yann Chouquet. Oui, merci Yann Chouquet qui a accouché de cette émission. Merci à vous tous. Joli Philippe, joli. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.